necessary. If you come back to me, and you know that I'm waiting, I would love you for always, and you know you'd be free. Muero por ser dueño de tu amor, que yo te quiero, ven amor, qué desespero, ven amor, que yo te quiero. Acércate al sabor, no hay nadie que te quiera ni que te lo haga mejor. Ven amor, quisiera tener tu calor, porque tu amor quiero guardarlo, cuidarlo, apreciarlo, nunca descuidarlo. Y por la noche, ven amor, quiero agarrarte, quisiera tener tu calor. No hay nada que moleste ni que cambie mi cariño. Ven amor, ay, ya 9 meses, mami, tremendo niño. Quisiera tener tu calor. Sabiendo cómo es, contigo gozo al derecho y al revés. Y eso bailao. responsabilidad es lo que pide la vida. Responsabilidad es lo que pide el amor. Responsabilidades en toda circunstancia. Cada cual necesita responder a la verdad. Y cuando se responde a situaciones que meritan atención, te darás cuenta que si funciona. Responsabilidad, responsabilidad para poder gozar. Entre gente bailadora. Aprende el son, bien suavecito. Uno gritó cha cha cha, otros dijeron el mambo, otro bailó el merengón, pero el son sigue esperando. Tabararara. Bailar, bailar suavito. Aprende el son, bien suavecito. Bailar, bailar suavito. Así quedó convencido el bailador exigente. El son es lo más sabroso porque lo pide la gente. Tabararara. Bailar, bailar suavito. Aprende el son bien suavecito. Para bailar, bailar suavito. Aprende el son. We'll be right back. 102.3 FM Montréal. Caliente traigo pa'l bailador, con mucha sabrosura vengo a cantar. Ritmo caliente traigo pa'l bailador, con mucha sabrosura vengo a cantar. Por eso yo los invito con mi ritmo a guarachar. Anda y busca tu pareja y no pares de bailar. Ritmo caliente traigo pa'l bailador, con mucha sabrosura vengo a cantar. Ritmo caliente traigo pa'l bailador, con mucha sabrosura vengo a cantar. Por eso yo los invito con mi ritmo a guarachar. Anda y busca tu pareja y no paren de bailar. We'll be right back. parecer, aún me importas tú, eres solo tú, María, la reina de mi vida. Sabes que te quiero y no lo puedo negar, que no me iré con nadie, nunca te voy a engañar. No es la soledad o la comodidad que nos une, a mí y a ti, María. Óyeme, mamá, óyeme, mamá. María, no, no me dejes, porque sabes que te quiero. María, no, no me dejes, eres la reina de mi vida. María, no, no me dejes.

88.3 FM Montréal. Bye. Attention, nous qu'on nous a fait map Montréal deux soirs, jeudi 8 et vendredi 9 août. Mais, problème d'horaire et de temps fait qu'en pile, monde qui t'a prêté deux jours. Programme yo fini tôt à 3h du matin. Voilà. Mais changement pour accommodement. Jeudi 8 premier jour, programme non a fini à minuit. Pour cela, l'a commencé à 8h du soir. Gaillez nouvelle là, s'il vous plaît. Jeudi, zafem non le 8 août, a commencé à 8h du soir, l'a fini à minuit. Toujours même place là, place à Lerise. 6630. Jarry Est à Saint-Léonard. Vendredi a pas changé, 10h du soir, 3h du matin. Bien en vente tout côté et fait nouvelle la marché. N'a boue. Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Diversité, une émission conçue pour vous. 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Diversité Radio Centre-Ville, une émission réunissant les représentants de différentes communautés ethnoculturelles de la radio. Diversité, chaque samedi, 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. JM Multiservice et Apogée Productions, en collaboration avec Radio Centre-Ville, vous présente la première édition du festival Excelsior, le 25 août 2024. Une programmation du tonnerre mettant en vedette pour la première fois à Montréal, où tapement des poulies, Melly, Frégab. Depuis l'aime qu'on aime que faiblesse, pas senti mal à bris. T'as pas cadavre ambulant, même ambulance pas qu'apprend. Tout arrivé, mais qui est négatif, c'est parce que mes cathéos. Ça, c'est Youn, mais l'autre là, net champ d'espérance là. Seigneur, mon âme soupire. Sans oublier le talentueux Jude Samuel et plusieurs autres. Un rendez-vous extraordinaire au Centre des Congrès Renaissance, 7550 boulevard Henri Bourassa S. Attention, prenez note. $50 jusqu'au 31 juillet et $60 à partir du 1er août. Voici les deux points de vente officiels. Casse-croûte Le Grand Goût, 5770 rue Jean Talon S. Église Mission La Maison de l'Éternel à Montréal et à Laval. Information 514-892-7361. Service de livraison de billets à domicile. En français, en anglais, en espagnol, grec, portugais. Quand on est au mandarin, en créole. Vous écoutez radiocentreville.com. Sur le monde, une présence multiethnique. À Montréal, Québec, Canada. Voilà 40 ans que le marché Méli-Mélo est à votre service. Si votre fidélité a fait de Méli-Mélo un incontournable, le journal Métro parle du marché Méli-Mélo comme l'histoire d'une réussite qui dure. Et oui, c'est bien vrai, la qualité de ses produits, son service à la clientèle. Et que dire du resto Méli-Mélo? Pas un jouet dans ça, non, Méli-Mélo qu'on a ou qu'on aille. Produit le mettez sous étagelle, sans ouéter, sans mettez ses qualités. Et ne pas oublier le service traiteur de Méli-Mélo pour toutes les occasions, baptême, mariage, etc. Et ce n'est pas sans raison que le journal de Montréal, parmi les 5 restaurants antillais choisis, a fait de Méli-Mélo le numéro 1. Marché Méli-Mélo Caraïbes, 640 rue Jarry Est. Téléphone 514-277-6409. Le Festival international Nuit d'Afrique, le plus grand rendez-vous des musiques du monde, vous invite à sa 38e édition du 9 au 21 juillet à Montréal. Plus de 700 artistes, 6 salles de spectacle, 2 scènes extérieures et bien plus encore. Pendant 13 jours, venez vivre une expérience festive et riche en découvertes au rythme d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine. Programmation et billetterie sur festivalnuitdafrique.com. L'achat d'une automobile ou d'une maison est une décision importante. Afin d'être bien conseillé et surtout bien guidé. Tous les samedis de 10h à midi sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, Jean Belzy et ses collaborateurs vous informent. Parlons automobile et affaires. 2 heures de conseils dans la bonne humeur. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Ni

trente. Trois pouces là. DJ Will, jouez non mon cher, jouez.